le Parti du peuple mauritanien résulte de la fusion des quatre partis politiques qui existaient au moment de l'indépendance. Les quatre partis ont décidé dans un congrès à Nouakchott en 61 de fusionner et de faire le Parti du peuple mauritanien. Nous avons œuvré dans cette direction parce que nous sommes aperçus que, vu l'immensité de la tâche qui nous attend, il fallait unifier les efforts, créer un seul parti qui deviendra d'ailleurs constitutionnel en 64, mais un parti qui n'était pas un parti dictatorial, un parti où la délibération existait du sommet à la base et de la base au sommet. C'est ainsi que dans nos congrès, dans nos séminaires, dans nos conseils nationaux, dans nos meetings, tout le monde avait la parole et les militants de base ne se privaient pas de critiquer tous les responsables, y compris le premier, c'est-à-dire moi-même. Mais ce parti nous a paru une nécessité absolue à cette étape de l'évolution historique de notre pays, mais il était entendu que le moment venu, il allait s'ouvrir et permettre le multipartisme. Et ce qui n'a pas été fait parce que les événements ont évolué autrement que nous les avons prévus. Dans cet entretien accordé en 1981 à RFI, le président de la République des Comores, Ahmed Abdallah, met en avant le rôle du législateur.